rap de légende, Alka et Zino. C'est pas du rap américain, c'est du rap d'arabe. On va vous montrer c'est quoi le 9-1. C'est mon style ou mon élégance que tu kiffes. Je veux être une légende comme l'espérance de Tunis. Le rap gothique c'est ma préférence de musique. J'ai des chances de survivre là où l'épée détente de s'unir. Sous bière je suis chaud comme une couscoussière. Je te laisse dans la gorge et dans le nez un goût de poussière. Je te prendrai par le cul si t'as la foufoune vierge. Tu vas sucer et ressucer mes coups. Dans ma tessie ça charbonne dur pour ramasser des thunes. Brolique à la ceinture, mes frères ont beaucoup de rancune. 91 départements, les flics de qu'est-ce qui se passe dans le secteur et quand ils viennent ils débandent. Tu pas un exemple, le mauvais et le mal je fréquente. J'ai trop le seum quand les keufs débarquent assises pétantes. Le seum quand je suis dans une histoire compromettante. Le seum quand ils embarquent la mif et même tes tantes. Avec un micro on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux monter, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. Avec un micro, on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux démon, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. J'ai le feu dans les yeux, un bloc de glace à la place du cœur. Du Z dans les chaussettes, j'suis pas d'humeur. Faut que je perce à tout prix, ou que je ferme la boutique. J'ai ma caisse à outils. Pas le Tounsi, j'baisse ta cousine, mon sperme adoucit ta gorge, les salopes restent accroupies. Voilà. Mec, j'm'assoupis que entre deux nichons ou avec du chichon. Peut-être que là tu verras le fou rire. J'casse d'aide à tous mes rimeurs de l'ombre, mes fumeurs de skunk et mes teasers de punch. Pour un terrain, des dealers se plombent, encule les tasses pêche et les cireurs de pompe. J'suis démoniaque, diabolique, maléfique, machiavélique et stratégique. Tunisie, Maroc, Algérie, dans ton satellite, on nique l'Amérique, suceur. Avec un micro, on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux monter, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. Avec un micro, on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux démon, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. On vit dans le haram, l'illicite, le fric et la cam. Les histoires cheloues où déboulent les gendarmes. Les armes, les règlements de compte, les douilles et les drames. Les putains de balances qui crament dans les flammes. C'est Zino, trop schizo, moi je vise le haut de gamme. On veut baiser la France par la chatte de Paname. Avoir les plus gros bolides et les plus belles femmes. 91, chaud bouillant comme un hammam. C'est chambé comme une bécane. Une droite qui t'amoche, qui te pète tes rébanes. De la frappe, ta bécane, un mec possédé par le chétan. Une atrocité dans la cave avec des bites et des lames. Des larmes, de la daronne qui voit son fils partir en cage. La rage, tu la ressens, viens faire un tour dans nos parages. Banlieue sud, Rouya, là où les you forcent les barrages. On te le redira pas deux fois, c'est les vrais rapza, vas-y dégage. Avec un micro, on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux monter, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. Avec un micro, on braque les gens. Al Capote et Zino sur rap de légende. Si tu veux démon, nos arabes te descendent. Donc tes chants, on est au P de janvier à décembre. Sahara, c'est deux fouets, Alka et Zino. Pour le projet de Syntex et Tony Dex. Ténébreuse mafia, Onsi, qu'est-ce qu'il y a? 91 Evry, bois sauvage, pyramide, épinette, honnête canal, parc Olive chantier.